Je dis que la société est aussi lâche que le sont la plupart des gens. Et que d'après moi, les gens en question sont trop nuls pour vivre en démocratie. Je comprends, mais je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne doute pas des qualités humaines. Ah. Sauf que ces prétendues qualités humaines se résument en un seul mot. L'hypocrisie. Retour en mic sans caméra, pour tous mes gars et mes racés. L-R-A-C, le même blaze du blasé, le nas trop lacé. J'ai vidé mon sac, même canassé. Juste un style free, le genre de son qui te fout les sons free. C'est compris quand la nuit tombe et que c'est l'insomnie qu'on frise. On pêche tous nos instrus sur internet. J'en perds un temps fou, mes amis, ma raison et donc ma tête. Ont-ils raison quand ils s'inquiètent? J'ai happé guette, attendant la mort en boxeur et claquette. Car au final, où vit-on? Trop loin des proches, trop près des cons. Un cœur de pierre et je m'enterre sous ces décombres. C'est paradoxal, le poids de la terre sur mon épine dorsale. À 27 ans, j'ai trop porté pour un petit corps sale. Toujours autant de plaintes dans nos complaintes. C'est donc fini, j'arrête avant que je ne me plante. On espère que ça ira mieux, mais de mes merdes, j'ai pas besoin de votre aide, j'avance. Seul, peut-être antipathique, sans empathie, car tous on empathie. On espère que ça ira mieux, main de mes merdes. J'ai pas besoin de votre aide, j'avance. Seul, peut-être antipathique, sans empathie, car tous on empathie. Nouvel album, ça fait un bail, hein. C'est pas une paille, non. J'suis toujours le même putain de païen. Tu sais, j'crois en rien, même pas en moi. C'est dans le son, le rap, ou dans la tisse que je me noie. J'reste le même fanfaron, mes potes deviennent darons. Mais j'préfère taper plutôt que souffler dans le ballon. Échec et mat, j'ai mis pita. La suite, on la connaît, vie de merde, taf, hôpital et épitaphe. C'est chacun pour soi, y'a pas d'alternative. Et pourtant, j'ai voulu voir plus loin que ma belle terre natale. Ce monde est perdu, comme Jurassic Park, j'ai capté l'arnaque. Et veut retourner, fais ça, au temps de la fac. J'ai les crocs à la Suarez. Mais c'est la même à chaque putain de soirée. On ravive la flamme de la tisse sur les braises. Et tout ça passe ou casse, hélas, on déprime tous. Ne crois pas ces gens qui mèneraient une vie douce. L'arme au poing ou bien aux yeux. Certains luttent, d'autres s'effondrent. Moi, je m'en prends les peu paraître odieux. Un, deux départements, mais aucun lieu d'appartenance. Plus proche du partisan que de n'importe quel partisan. Bref, je prends plus part au débat. Ne vote plus, ne participe plus à la débâcle. Ni pour ni contre. Ni bien ni mal, ni oui ni non. Entre lumière et ombre, un côté blanc, un côté sombre. On espère que ça ira mieux, main de mes merdes. J'ai pas besoin de votre aide, j'avance. Seul, peut-être antipathique, sans empathie, car tous on empathie. On espère que ça ira mieux, main de mes merdes. J'ai pas besoin de votre aide, j'avance. Seul, peut-être antipathique, sans empathie, car tous on empathie. Car tous on empathie. Je suis arrivée à la conclusion que la société n'avait pas de place à m'accorder. Que je n'en avais pas davantage à lui accorder. Des rides sur mon visage, terrible pour mon âge. Des rimes en arrivage, des rires, enfantillage. Le tout et son contraire, un texte et son contexte. Une sorte d'arve et d'inte, un réconfort et une plainte. Entre deux, entre deux. Parle bien, même quand ils mentent, et on se moque de ceux qui parlent mal, même s'ils disent la vérité. L-E-R-A-C, poteau.